patrons, employés, retraités, passez une très belle journée à notre écoute. C'est maintenant l'heure d'Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, la guerre et les affaires. Affrontement et rapprochement. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun diktat, aucune pression. Il faut bien penser que le premier acte de collaboration, c'est la signature d'un armistice. SOL, debout ! Notre pays meurtri par la défaite, accablé par les clauses de l'armistice, et maintenant aux prises avec ceux qui hier furent ses alliés ou se disaient ses amis. Aujourd'hui, une Europe sous Hitler, première partie. En 1942, l'hégémonie de la puissance hitlérienne s'exerce sur l'Europe. Hégémonie militaire, économique, idéologique. Il s'agit de mettre les peuples de l'Europe au service du Grand Reich nazi. Cette volonté se radicalise au début de l'année 1943, au moment du tournant militaire. Charles Bloch, historien, auteur du Troisième Reich et le Monde. Pour mémoire, l'Allemagne domine en apparence toute l'Europe, c'est-à-dire presque tout le continent à l'ouest et au sud et la bonne moitié de la Russie européenne. Comme nous verrons par la suite, cette domination est d'ores et déjà menacée. Les Reich s'est considérablement agrandi. Il a annexé beaucoup de territoires de ses États voisins, ne parlons pas de l'Autriche et du pays des Sudètes, mais ont été, par exemple, annexés au Reich directement, les trois pays baltes, la partie occidentale de la Pologne et à l'ouest, le Luxembourg et aussi, en fait, l'Alsace et la Lorraine. Infotrafic RTS. Quelle que soit votre direction, soyez prudent si vous circulez sur l'autoroute Martigny-Sion. On signale des piétons sur la chaussée entre Comté et Sion-Ouest. Je répète, quelle que soit votre direction, soyez prudent si vous circulez sur l'autoroute Martigny-Sion. On signale des piétons sur la chaussée entre Comté et Sion-Ouest. Et tout le reste de l'Europe se trouve sous une forme de dépendance de l'Allemagne, et soit des territoires directement administrés par l'Allemagne, et soit des États satellites ou des États des pays conquis où les Allemands ont laissé un simulacre de gouvernement. Dans quelques instants, le 32e train d'ouvriers partant travailler en Allemagne pour la relève va quitter le 5e quai de la gare Saint-Charles de Marseille. Nombreux sont les parents et les amis de ceux qui partent, qui sont venus souhaiter bon voyage et bon séjour aux ouvriers. Parmi les personnalités officielles, je remarque M. Eric Solner, de l'Office de placement allemand, ainsi que le directeur du cabinet de M. le préfet régional de Marseille. Après avoir reçu quelques provisions de voyage sous la forme de sandwichs et d'un quart de vin, ainsi que quelques cigarettes, les ouvriers, installés aussi confortablement que possible dans un train chauffé, attendent le coup de sifflet du chef de train. Et parmi ceux qui partent ce soir, nombreux sont des jeunes gens qui, tout au plus, ont une vingtaine d'années. Et pour la première fois, tous ces jeunes sont vêtus du même uniforme de drap bleu et coiffés d'un béret basque. C'est la tenue officielle des jeunes qui partent pour la relève. Mais avant de laisser partir le train pour l'Allemagne, je vois M. Eric Solner qui voudrait adresser quelques mots aux ouvriers. Je suis heureux de saluer ici tous les ouvriers volontaires pour le travail en Allemagne. Je participe moi-même à l'enthousiasme de ce Français qui n'hésite pas à partir pour la relève afin de collaborer à la construction de la nouvelle Europe. Je comprends leur effort et je les en félicite. Ils trouveront toujours en moi un homme compréhensible. Je demande à toutes les familles, femmes ou enfants, de ne pas hésiter à venir me voir pour me faire des suggestions ou m'adresser des demandes. Ils peuvent être assurés que je fais toujours diligence pour leur donner satisfaction. Ouvriers français, je vous quitte en vous souhaitant bon voyage et un heureux séjour dans mon pays. Les besoins en main-d'œuvre de l'Allemagne, engagés dans une lutte titanesque, vont sans cesse croissant. C'est pourquoi une ordonnance du Gauleiter Sauckel, chargée des questions de main-d'œuvre pour l'ensemble des territoires occupés, décidait le 22 août dernier que pour les pays administrés par l'Allemagne, le droit de réquisitionner la main-d'œuvre existerait désormais. La même ordonnance fixait à 54 heures la durée du travail hebdomadaire et décidait que toutes les questions de contrôle du travail dépendraient dorénavant des autorités allemandes. La Gazette de Lausanne, 26 septembre 1942. Déclaration du Gauleiter Fritz Sauckel sur le service du travail obligatoire, le 5 mars 1943. Monsieur le Gauleiter, à vous faire une déclaration sur l'importance du recrutement de la main-d'œuvre et aussi de la main-d'œuvre française pour le travail en Allemagne. Stop. Meine sehr verehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir, dass ich mich zunächst beim Herrn Botschafter, bei der deutschen Botschaft, bedanke, dass ich die Gelegenheit habe, hier Ihnen über den deutschen Arbeitseinsatz einige Worte sagen zu können und dass ich mich auch bei Ihnen insbesondere bedanke dafür, dass Sie die Güte haben, mich anzuhören. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de remercier en premier lieu l'ambassade de m'avoir donné l'occasion de traiter ici devant vous les questions de la main-d'œuvre française en Allemagne, les questions relatives à la main-d'œuvre en général. Et d'autre part, je vous remercie, mesdames et messieurs, d'avoir voulu bien donner suite à cette invitation pour écouter une causerie, une déclaration que je fais sur les questions ayant trait à la main-d'œuvre. Ich weiß, dass der deutsche Arbeitseinsatz gerade jetzt ein sehr beliebter Gegenstand der englischen und amerikanischen Propaganda ist. Je sais, mesdames, messieurs, que la propagande anglaise, la propagande américaine ont un plaisir tout spécial à traiter des questions de la main-d'œuvre française en Allemagne. Ich brauche nicht zu betonen, dass der Zweck dieser Propaganda offenkundig ist und dass ich mich persönlich nicht damit zu befassen brauche. Je n'ai pas besoin, n'est-ce pas, d'insister que le but visé par cette propagande est tout à fait clair et je n'ai donc pas besoin de traiter cette question ici. Ich persönlich glaube, dass meine Ehre darin besteht, es so zu machen, und meine Aufgabe so zu lösen, wie es unseren Gegnern nicht gefällt. Personnellement, je crois qu'il est en mon honneur de régler cette question justement de la manière dont il ne plaira pas à ces messieurs. Im Übrigen ist es selbstverständlich, dass ich als Deutscher nach bestem Wissen und Gewissen meinem Land diene. En outre, n'est-ce pas, c'est une chose tout à fait nette que je serve, moi, en premier lieu et avant tout, n'est-ce pas, ma patrie. Da ich nun selbst vor Jahrzehnten fremder Nationen Brot gegessen habe und bei fremden Nationen mein Leben verdienen musste, weiß ich selbst am besten, was es bedeutet, als Arbeiter in der Fremde eingesetzt zu sein. Étant donné que moi-même, n'est-ce pas, il y a des dizaines d'années, j'étais obligé de vivre et de travailler à l'étranger et de manger du pain à l'étranger, je sais exactement ce que c'est que ce signifie d'être travailleur à l'étranger. Gerade aus diesem Grunde bin ich Nationalsozialist und fanatischer Anhänger Adolf Hitlers geworden. C'est pour cette raison d'ailleurs que je suis devenu un national-socialiste farouche et un partisan fanatique du chancelier Adolf Hitler. Ich bitte, diese Bemerkungen so zu werden, weil sie die Voraussetzung der Methode sind, nach der in Deutschland fremde Nationen zur Arbeit eingesetzt werden. Je vous prie, n'est-ce pas, de prendre ces déclarations, n'est-ce pas, interpréter ces déclarations en ce sens, puisqu'elles soulignent, n'est-ce pas, de quelle manière sont traitées les nations étrangères quand elles travaillent en Allemagne. Gerade durch den Willen des Führers und aufgrund unserer nationalsozialistischen Weltanschauung wird der Arbeitseinsatz in Deutschland so gehandhabt, wie er der klaren Vernunft und der allgemein menschlichen Anständigkeit entspricht. Par les principes de notre idéologie nationaliste et nationalsocialiste et suivant la volonté du Führer, la question de main-d'œuvre en Allemagne sont traitées dans un sens national-socialiste, c'est-à-dire, n'est-ce pas, obéissant à des principes de raison pure. Aus diesem Grund sind trotz der Härte des Krieges alle Maßnahmen und Verordnungen über die Durchführung des Arbeitseinsatzes so gefasst, als wenn ich selbst persönlich das Objekt dieses Arbeitseinsatzes in einer schweren Kriegszeit wäre. Pour cette raison, malgré la dureté de la guerre actuelle, n'est-ce pas, toutes les mesures ayant trait à la mise en œuvre de la main-d'œuvre en Allemagne sont prises comme si moi-même j'étais l'objet de ces mesures. Der Hauptzweck, weshalb ich hier spreche, ist der, klar zu machen: Wir Deutschen brauchen Waffen, Kriegsgerät und Kriegsgüter. Der französische Arbeiter braucht Arbeit und Brot. La raison principale pour laquelle je parle ici, c'est parce que l'Allemagne a besoin dans cette guerre des denrées, des matières, des armes pour faire la guerre, tandis que l'ouvrier français a besoin du travail et du pain. Es ist selbstverständlich, dass weder der Führer noch ein deutscher Arbeiter diesen Krieg gewünscht haben. C'est une certitude, n'est-ce pas, que ni le chancelier Adolf Hitler ni aucun ouvrier allemand ont voulu cette guerre. Er ist wie ein Schicksal über Europa hereingebrochen und seine Folgen müssen nun von den Völkern getragen werden. Il est arrivé tel un cauchemar sur toute l'Europe et les conséquences devront être portées maintenant par tous les peuples appartenant à l'Europe. Andreas Hilgruber, historien. Ich möchte vier verschiedene Gruppen, je voudrais citer quatre groupes différents von Ländern, von besetzten de pays im hitlerischen Europa unterscheiden. Dans l'Europe allemande. Einmal d'abord, die Verbündeten, les alliés et les satellites, Italien, l'Italie, Finnland, la Finlande, Slowakei, la Tchécoslovaquie, la Slovaquie, Rumänien, la Hongrie, Bulgarien, la Roumanie, la Bulgarie, la Croatie. Zweitens, die deuxièmement, Länder in les pays Westeuropa, en Europe occidentale qui étaient soumis à une administration Frankreich, militaire allemande comme la Belgique, la France et Serbien, l'Europe du Sud-Est comme la Serbie et la Grèce. Drittens, troisièmement, die im West, les pays qui étaient soumis à Norwegen, une administration civile allemande comme la Norvège et les Pays-Bas. Und schließlich et enfin, jene Gebiete in Osteuropa, les régions en Europe eine spezifisch nationalsozialistische Herrschaftsordnung gab, où il y avait un ordre national-socialiste bien spécial, comme le gouvernement général en Pologne, und die Reichskommissariate et le commissariat d'Empire sowjetischen Gebiete. De la zone soviétique occupée. Diese vier Gebiete, ces diese quatre vier groupes Kategorien muss man deutlich unterscheiden. Doivent être bien distincts. Une journée d'août 1941. Un long défilé d'hommes enthousiastes se rend à travers les rues de Bruxelles jusqu'à la gare du Nord, d'où ils partiront vers l'Est. Ce sont les premiers Wallons, 800 en tout, qui se sont engagés volontairement pour lutter contre le bolchevisme. Les premiers 800 volontaires de la Légion Wallonie. Deux ans plus tard, dans le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Entre-temps, ils sont passés de 800 à 3000. La Légion Wallonie porte aujourd'hui le nom de Brigade d'assaut SS Wallonie. Et maintenant, l'ordre retentit dans la salle. Le chef vous parle. Der Chef spricht zu euch. Le chef SS Léon de Grelle, chef du mouvement de la droite, qui va porter témoignage de son engagement volontaire devant ses camarades. Ses partisans l'acclament. Sa voix retentit clairement. Nous avons foi dans le Führer. Wir glauben an den Führer. Er wird seine Feinde vernichten. Abat ses ennemis. Il bâtira une œuvre immortelle. Il rendra nos pays heureux. Sur les principes d'organisation de cette Europe nouvelle, Charles Bloch, historien. Les deux principes sont bien connus. C'est l'espace vital pour l'Europe, le Lebensraum, et l'idéologie raciale, la hiérarchie des races, la domination des races inférieures par les races supérieures. Or, sur l'espace vital, idée sur laquelle Hitler a insisté dans ses deux livres, et notamment dans Mein Kampf, il faut quand même dire une chose, que c'était non seulement une idéologie, tout ce qu'il y avait de plus cruel et inhumaine, mais c'était aussi une idée absurde, parce qu'elle supposait la colonisation de l'Europe par des Allemands, c'est-à-dire de refaire au fond des Allemands un peuple agricole. Or, ce qui avait été la force de l'Allemagne depuis la fin du 19e siècle, c'était justement sa force industrielle et sa capacité d'exportation. Jamais, d'ailleurs, les Allemands ont retrouvé assez de colons pour les établir en Pologne et en Russie. Donc, n'est-ce pas, ce plan était en vérité utopique. Alors, qu'est-ce qu'on voulait faire? Par la suite, la domination allemande comme race des seigneurs, c'est-à-dire que les Allemands fourniraient les cadres du gouvernement et de l'administration des hauts fonctionnaires des militaires, et le reste des peuples conquis seraient asservis, travailleraient pour le compte de l'Allemagne. Andreas Ilgruber, historien. Dem Ziel, die Europäer für Deutschland arbeiten zu lassen, il fallait faire travailler les Européens. C'était un des buts du régime. Il fallait utiliser le plus possible de main-d'œuvre européenne afin de pouvoir bien préparer cette guerre. Hitler's Europa ist also in erster Linie ein Donc l'Allemagne, l'Europe hitlérienne était surtout un système de main-d'œuvre pour la politique nationale socialiste. L'organisation principale, en ce qui concerne la répression, incombait au SS. Die SS wurde zum Hauptinstrument der nationalsozialistischen Europapolitik. De la politique européenne nationale-socialiste. L'Allemagne se trouve aujourd'hui dans l'heureuse situation que toute la Wehrmacht, où qu'elle se trouve, est approvisionnée par les seuls territoires occupés. De sorte que les récoltes de la patrie peuvent être laissées au peuple et que les quantités en surplus parviennent des territoires occupés et ce dans une mesure croissante. La Gazette de Lausanne, 5 octobre 1942. Discours de Jacques Schweitzer, président des jeunes de l'Europe nouvelle. De quelque côté que se portent nos regards, discerne-t-on la même volonté de participer à une œuvre commune, avec la même conscience de la grandeur de notre destin, nous échappant de nos préoccupations quotidiennes, levant les yeux vers le ciel qui nous rappelle la condition modeste de notre personnalité, ayons l'orgueil de créer non pas une œuvre à la mesure de nos propres cerveaux, mais un édifice qui porte l'empreinte du souffle qui nous aura inspirés. Si le sort de notre génération est de se sacrifier pour un monde meilleur, si Dieu nous a réservé ce privilège de devenir les pionniers d'une ère nouvelle, si les jeunes de tous les pays d'Europe, ayant pris conscience de leur mission, s'y consacrent corps et âme, n'assistons pas en spectateurs impassibles à ce rassemblement des forces. Ne réprimons pas l'élan de nos cœurs qui nous incite à l'action. Si l'Europe a besoin de la France a besoin de sa jeunesse. Reprenant le cri d'alarme qui, il y a 20 ans, retentissait de l'autre côté du Rhin, allons vers nos camarades, les faibles, les indifférents, les égarés, tous ceux qui ont oublié qu'ils étaient français et qu'ils étaient jeunes, répétons-leur sans cesse, jeunesse française, réveille-toi! Pour le socialisme européen, le capitalisme anglo-saxon et le communisme, il faut choisir que la jeunesse française adopte une attitude franche et agisse au grand jour. Les jeunes de l'Europe nouvelle savent ce qu'ils veulent, à qui ils obéissent et pourquoi ils combattent. Ils poursuivent leur action sans défaillance et sans découragement, alors que des fonctions d'État et les exemples en sont hélas multiples et récents, ont pu permettre une attitude ambiguë et équivoque. L'attentisme et le gaullisme n'ont pas droit de cité chez nous, et c'est la fierté des chefs de tous les mouvements révolutionnaires de jeunesse, de ces mouvements qui de Paris font rayonner l'esprit révolutionnaire, de n'avoir, aux heures graves que notre patrie a traversées, enregistré aucune défection, aucune attitude équivoque, aucune trahison. Nous n'avons pas eu à désavouer certains de nos chefs, ni un seul de nos militants. Les camarades de nos mouvements qui se trouvaient en novembre en Algérie et au Maroc ne sont pas, eux, passés à la dissidence et sont restés fidèles au maréchal Pétain. Charles Bloch. Hitler a voulu établir une certaine hiérarchie parmi les pays occupés. Nous nous reviendrons plus tard sur le cas des Juifs qui devraient être exterminés. En bas de l'échelle, nous trouvons les Slaves, incapables, selon Hitler, de construire un État et qui devraient juste servir les desseins allemands. C'est ainsi qu'il faut comprendre le fait que, par exemple, ni pour la Pologne occupée, et même pour les partis qui n'étaient pas directement annexés à l'Allemagne, ni pour la Russie occupée, on a cherché d'instaurer un gouvernement satellite. Ces sites étaient administrés par les Allemands eux-mêmes, d'ailleurs en général pas par les autorités militaires, mais par les SS et par la Gestapo, qui s'est livrée à toutes espèces d'atrocités, ce qui poussait d'ailleurs ces peuples dans les bras de la résistance. Andreas Hilgruber, historien. L'exploitation de la population, des ressources à l'Est, était beaucoup plus importante qu'à l'Ouest. Es ging im Osten einfach um Sklavenjachten, das heißt, la chasse aux esclaves. Das Einfangen vieler Menschen, die dann mit Gewalt nach Deutschland zur Arbeit kamen. On forçait les personnes à venir travailler en Allemagne. Und große, besonders gute Gebiete Russlands von deutschen und germanischen Siedlern bewohnt werden sollten. Et des grandes parties de la Russie devaient être habitées par des Allemands. Trois ans de régime allemand en Pologne. Dans les régions agricoles rattachées à l'Allemagne, la culture du sol a pris la première place. L'Allemagne compte que dans le cours de la présente année, elle recevra un appoint alimentaire important de la part du gouvernement général. L'organisation établie selon les principes du Führer fonctionne avec un nombre relativement restreint d'agents allemands. Le Berliner Börser Zeitung assure qu'on y rencontre des hommes qui savent ce qu'ils veulent et obtiennent la réalisation de leur plan grâce à une main de fer. La Gazette de Lausanne, 11 septembre 1942. Deux mois plus tard, quelques nouvelles de l'Est. Le 11 novembre 1942, le jour se levait lentement, dégageant avec peine du brouillard les silhouettes d'Isbach qui, les pieds perdus dans l'épaisse couche de neige recouvrant déjà le sol, semblait courber le dos sous les rafales de vent et de flocons qu'apportait l'hiver russe. Sur la place, à l'horizon rayé de la grande barre oblique du T d'un puits barbu de glace, 200 hommes en carré, sous l'uniforme vert éclairé d'un écusson tricolore, raidis dans l'immobilité rigide des armes qu'on présente. Au centre, une douzaine d'officiers, sous-officiers, légionnaires, attendant de recevoir la croix de fer ou la croix du mérite qui consacraient leur courage et leur sentiment du devoir. En face, sur une estrade ceinte des trois couleurs et constituée à la hâte de toutes les caisses empruntées au service du ravitaillement, le chef de bataillon français et un officier allemand saluaient la montée des couleurs rythmée par les notes du clairon qui, brillant la couche épaisse de l'air ouaté, pénétrait jusqu'au plus profond de nos cœurs. Au-dessus, en une danse échevelée d'innombrables drapeaux retenus par miracle au sommet d'invisibles poteaux perdus dans la brume, planait l'âme de la France. Quelque part sur le front russe, au PC du 3e bataillon, la Légion des volontaires français entamait sa deuxième campagne d'hiver, associant dans un même hommage la mémoire de nos pères héroïques de 1914, des victimes innocentes de la folle aventure de 1939, et des purs héros qui dorment leur dernier sommeil dans l'immensité de la steppe russe pour avoir voulu que la France vive dans une Europe débarrassée des puissances d'argent. À la suite de cette évocation de l'Europe hitlérienne, cet épisode était réalisé par Isabelle Barthes. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec la participation d'Isabelle Barthes, Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker et la voix de Jean-Marie Châtaignier. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.